la cérémonie de la rentrée scolaire a eu lieu le 1er avril au centre de rétablissement des enfants infirmes de Corée. Y ont pris part le vice-président du comité central de la Fédération de la protection des handicapés de Corée, le nurse, les enseignantes, les médecins, les enfants, ainsi que leurs parents. À la cérémonie, il y a eu les interventions. Après, les participants ont fait le tour de divers endroits du centre de rétablissement nouvellement réaménagé.